Grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Grain de sable du groupe Attaque Capitale Nationale, préparée par Cédric Leterme et dont la mise en onde est assurée ce soir par Jeanne Gutiérrez et Nicolas Montrand. Ce soir, on vous propose une émission un peu spéciale. Et oui, on aura en effet le plaisir et l'honneur de passer la première demi-heure en compagnie d'Alain Denoux, l'auteur entre autres du livre « Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique » et également du livre « Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle », tous deux parus aux éditions Éco-Société. Également, on avait prévu recevoir M. André Boutillier, cofondateur et ex-président de la Coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau au secours, qui est aujourd'hui chroniqueur pour l'autre journal et éditeur du site météopolitique.com. Par contre, il y a eu un empêchement pour des raisons de santé, alors on espère pouvoir l'accueillir à une prochaine émission et on lui souhaite un prompt rétablissement. Alors, on reçoit un invité de marque en prévision d'une conférence qui sera donnée par M. Denoux mercredi prochain, le 10 novembre, dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale. C'est une conférence organisée par les Amis de la Terre et Attaque Québec sur le thème des paradis fiscaux et de la protection de l'environnement. Alors, on profitera donc de sa présence pour discuter des liens qui peuvent exister entre ces deux enjeux très actuels. Ensuite, en deuxième partie d'émission, nous avons le plaisir d'accueillir Renaud Blais, qui viendra nous rejoindre pour nous présenter une chronique consacrée à l'altermondialisme. Alors, comme vous voyez, c'est une émission extrêmement riche qu'on vous propose ce soir, alors restez avec nous. On se retrouve tout de suite après une courte pause musicale, toujours sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Visitez chaque soir, ne me laisse pas tomber, me dit-elle le soir. Et on vient d'entendre Jean Leloup, La Chambre. Merci Nicolas. Alors de retour à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec, Cédric Leterme se joint à moi pour l'animation de la première partie de l'émission. Alors bonsoir Cédric. Bonsoir Valérie. Alors comme je vous le mentionnais en début d'émission, alors mercredi prochain le 10 novembre, les Amis de la Terre en collaboration avec Attaque Québec organisent une conférence ici à Québec sur le thème des paradis fiscaux et de la protection de l'environnement. En prévision de cet événement et pour entamer la discussion sur les questions qui y seront abordées, on est rejoint ce soir par le futur conférencier, M. Alain Deneau, que vous connaissez sans doute pour avoir écrit, entre autres, « Noir, Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique » et « Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle ». Alors, bonsoir, M. Deneau. Bonsoir. Bienvenue ici au Grain de Sable. Alors, pour commencer, je m'intéresserai... Donc, pouvez-vous nous expliquer ce qui justifie à vos yeux qu'on fasse le lien entre les paradis fiscaux et la protection de l'environnement? Oui, le lien peut sembler inusité, mais en fait, il tombe sous le sens lorsqu'on considère le rôle important que jouent les ports francs dans la gestion des navires de transport, notamment les pétroliers ou les navires transportant des marchandises. Mm-hmm. On sait que la délocalisation des entreprises, qui est le fait même de la mondialisation économique, est lié en grande partie à la possibilité de transporter des marchandises fabriquées, par exemple, en Asie, mm-hmm. De très faibles taux, étant donné que plus de deux bateaux sur trois, donc de la flotte internationale, bat pavillon de complaisance, c'est-à-dire qu'ils sont immatriculés dans des ports francs où il n'y a pas de normes relatives à la protection de l'environnement, à l'entretien des navires, aux normes du travail, et ainsi de suite. Donc, il y a des conditions là qui sont tout à fait lâches et qui permettent aux armateurs et aux différents clients des acteurs du transport maritime de bénéficier de transport à faible coût. Donc, si on payait vraiment pour le coût du transport des marchandises que l'on consomme massivement, par exemple dans les Dollarama et autres grandes surfaces. Oui, tout à fait. On n'aurait pas effectivement, il n'y aurait pas de justification à la délocalisation là des entreprises, étant donné que les coûts seraient majorés, étant donné le fait qu'on paierait véritablement les marins, puis bon, ce qu'il en coûte d'entretenir les navires. Donc ça, c'est un premier point. Mais du point de vue de l'environnement, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes relatifs à l'inscription, à l'immatriculation des navires dans les ports francs. Comme les ports francs, vous voyez, ce sont ces États comme le Liberia, le Panama, la Barbade, et la République de Malte, par exemple, en Europe, qui permettent d'immatriculer un navire donc dans des conditions tout à fait avantageuses, sans qu'il n'y ait donc de contrôle sur... Donc, on parle pas seulement d'avantages fiscaux, là, mais sans qu'il y ait de contrôle sur l'encadrement de cette industrie, hein, sur cette industrie même. Donc, on peut ne pas avoir de double coque, par exemple, quand on est immatriculé au Panama, mm-hmm. ou si on est responsable d'une marée noire quelque part dans le monde, il peut être très difficile de remonter jusqu'au responsable. Donc, les ports francs garantissent l'impunité. C'est très grave. Il faut pas faire preuve de beaucoup d'imagination si on veut se demander aujourd'hui ce qui adviendrait s'il y avait une autre marée noire concernant l'Exxon Valdez, ce bateau qui s'était ouvert en 1989 en Alaska, tout simplement parce que ce bateau existe encore aujourd'hui. Il a été réparé et rebaptisé, et il bat pavillon de complaisance. Donc, il bat pavillon panaméen, et il a été bateau des îles Marshall pendant un certain temps. C'est très préoccupant parce qu'aujourd'hui, si on imaginait ce même bateau faire le même circuit qu'à l'époque et au même endroit, disons, provoquer la même marée noire, ce bateau ne serait pas américain et il y aura encore plus de difficultés pour les victimes de cette marée noire connaître les responsables, puisque dans les ports francs, comme dans tout paradis fiscal ou juridiction de complaisance, en plus d'avantages fiscaux et d'avantages réglementaires et juridictionnels de différents ordres, il y a aussi le secret bancaire, donc sur la nature des opérations financières qui ont cours, mais aussi sur l'identité même des titulaires de comptes ou d'actions ou sur les administrateurs de sociétés. Ah, donc, c'est il y a quand même, alors, ce côté secret-là, quel autre effet qu'on peut avoir, là, avec l'existence de ces juridictions de complaisance? Est-ce que ça peut avoir un impact sur les stratégies de défense d'environnement, autant au nord, au sud, au niveau global? Ben, c'est-à-dire que les lois qu'on vote dans les juridictions traditionnelles, comme le Canada, les États-Unis, la France, l'Espagne, la Belgique, nommons-les, sont sans portée du moment que deux bateaux sur trois à l'échelle internationale sont immatriculés dans les juridictions fantoches. Dans la mesure où deux bateaux sur trois peuvent être administrés sans considération pour des questions environnementales, pour des questions sociales, pour des questions professionnelles, pour des questions de normes professionnelles, pour des questions aussi de sécurité au travail. On sait que les problèmes environnementaux relatifs à l'industrie du transport maritime là, sont souvent liés à des faits de négligence parce qu'on a des marins, par exemple ukrainiens, payés $1 par jour qui sont surmenés et qui finissent par ne plus être tout à fait aux aguets alors qu'il s'agit quand même d'un métier très très exigeant. François Lille a bien écrit là-dessus. Il y a évidemment des cas spectaculaires comme l'Erika, comme l'Exxon Valdez que j'ai mentionné, comme le Probo Koala récemment au large de la Côte d'Ivoire, qui ont provoqué des désastres environnementaux dignes de mention. Mais il y a aussi la pollution à petit feu. Il y a tous ces bateaux qui déversent dans les eaux de pêche des déchets toxiques à faible dose, mais qui représentent au bout d'un certain laps de temps, un an ou deux, l'équivalent d'un Exxon Valdez. Évidemment, on le rapportera pas dans les médias parce qu'il n'y avait rien de spectaculaire. Il n'y a pas d'image flamboyante à exposer pour indiquer un public. Bon, ce qui est propre des médias qui sont portés vers les nouvelles à sensation, quoi. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. On l'a bien étudié par rapport au rôle que jouait la Canada Steamship Lines de Paul Martin à l'époque où l'intéressé était ministre des Finances et premier ministre. Il était essayé à écrire un pamphlet sur la relation que pouvait entretenir cette société-là avec les paradis fiscaux. Et son profil était tout assez édifiant, hein, c'est-à-dire qu'on voyait, on pouvait lire dans différentes dépêches et rapports que cette société-là s'était permis des choses ou avait tiré des profits lié à son engagement dans les paradis fiscaux, qui n'y aurait été impensable si tous les bateaux de la flotte de la Canada Steamship Lines avaient été canadiens. Aujourd'hui, on en parle un peu moins parce que l'intéressé s'est fait oublier quelque peu, mais il y a un problème. On peut aussi, je peux ajouter un dernier exemple, citer non pas seulement le cas des bateaux, mais le cas des plateformes d'exploitation pétrolière offshore, mais offshore là au sens vraiment technique de l'exploitation du pétrole au large des côtes. Donc ça concerne pas seulement le domaine maritime, là, c'est vraiment dans d'autres domaines aussi. Ouais, c'est le domaine maritime, mais lié non plus aux bateaux, mais aux plateformes cette fois. Et les plateformes, eux, elles aussi, s'immatriculent dans des ports francs. Donc, juridiquement, étant donné la loi internationale en ce qui concerne la gestion de la chose maritime, là encore, les responsables bénéficient de l'impunité quand survient une crise environnementale grave, comme la marée noire à laquelle on a assisté dans le golfe du Mexique l'an dernier. C'est que BP, British Petroleum, qui nous annonce des profits spectaculaires d'$1,8 milliard pour le dernier trimestre cette semaine. Quand même, hein? Bon, BP, qui donc a été pourtant pointé du doigt, on aurait pu s'attendre à ce que son image et ce que ses activités s'en trouvent affectées. Mais BP se trouve en fait à avoir sous-traité l'exploitation de cette plateforme qui est responsable de la marée noire que l'on sait, elle aussi aux îles Marshall. Et en vertu du droit international, il y a un plafond revient quant à, aux dommages que doit reconnaître une société immatriculée là-bas. Donc, cette couverture judiciaire, financière, légale, réglementaire, sécuritaire, ainsi de suite, permet à des acteurs, en fait, on pourrait dire, de jouer aux savants fous, en tout cas aux apprentis sorciers, de risquer gros en sachant qu'il y aura toujours une juridiction pour les couvrir quelque part. C'est d'autant plus gênant que les îles Marshall sont un port franc accueillant près de 20 000 pétroliers chez eux. Qui plus est, il s'agit d'une administration qui est rattachée aux autorités politiques américaines. Donc, c'est pas un territoire qui fait partie d'un des 50 États des États-Unis, mais c'est quand même une administration rattachée aux États-Unis par un lien ténu, mais bien formel. Ce qui fait qu'il est très difficile, ensuite, pour les États-Unis, dans le cas de la marée noire occasionnée par BP, là, déjà de s'indigner, d'entreprendre des démarches vigoureuses, parce que c'est d'un port franc qui est un port franc ami des États-Unis, et sans doute, selon un fiscaliste, l'Edouard Chambaud, sans doute créé par la CIA pour toutes sortes d'activités qu'on imagine. C'est ça ce qui peut expliquer des fois les lenteurs là, avant de réagir, comme vous dites. Oui, puis une certaine inhibition. Donc c'est très très intéressant, Monsieur Deneau. Mais avant de poursuivre, on va s'arrêter là-dessus pour quelques instants pour une courte pause musicale, si vous permettez. Alors, on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette discussion passionnante sur les paradis fiscaux et l'impact sur l'environnement. À tout de suite. Other eyes in a church where a wedding's been. Lives in a dream, waits out the window, wearing a face that she leaves in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Look at all the lonely people. Where? vient d'entendre Tété qui nous a chanté la reprise des Beatles, Eleanor Rigby. Alors, de retour au grain de sable sur les ondes de CKRL, c'est Valérie Blouin qui vous parle et nous sommes toujours en compagnie d'Alain Deneau, avec qui nous discutons paradis fiscaux et protection de l'environnement. Alors, ma prochaine question, M. Deneau, est-ce que... Donc, on a toujours l'impression que les paradis fiscaux font référence à des endroits exotiques. Par contre, est-ce que le Canada... est-ce qu'à bien des égards, pourrait ne pas être considéré comme une juridiction de complaisance quand on sait, par exemple, que des compagnies, la législation, dans le fond, minière est très laxiste et que, donc, la majorité des compagnies à l'étranger viennent s'incorporer au Canada? Oui, c'est tout à fait bien vu. Le Fraser Institute considère le Québec comme un paradis des mines. Il faut voir que notre juridiction, enfin, souvent au Canada, on se plaît à se présenter comme n'ayant pas de passé colonial, ce qui est une pure évidence dans au sens où le Canada n'a pas de passé colonial, il est un passé colonial. Mm-hmm. Nos institutions sont le legs de l'impérialisme britannique et... parmi cet héritage se trouvent les codes miniers qui, en ce qui concerne le Québec, la date du 19e siècle. C'est un des codes miniers les plus vétustes qui soit, tout à fait inadapté à quelques considérations démocratiques que ce soit. Il s'agit là pratiquement d'un droit à polluer garanti par l'État, ainsi de suite. Et on voit très bien donc dans quelle mesure des sociétés minières peuvent, moyennant quelques... manœuvres, abandonner des sites contaminés aux frais des contribuables à tout moment. Ça s'est vu beaucoup. Au-delà de ce problème, effectivement, à l'échelle de la mondialisation, le Québec, le Canada, attire chez lui à peu près 2 sociétés minières sur 3 dans le monde, là, un peu plus. Ça veut dire que des sociétés minières qui n'ont pas à l'origine des capitaux canadiens choisissent le Canada et le plus souvent Toronto pour s'enregistrer parce que elles souhaitent bénéficier des clémences de notre juridiction, profiter d'une bourse hyper spéculative, d'un aménagement fiscal qui encourage l'investissement des institutions d'investissement spécifiquement dans le domaine minier, de profiter aussi d'une couverture judiciaire pour d'éventuelles poursuites qui pourraient les concerner quant à des allégations d'abus à l'échelle internationale, lesquelles allégations, comme on le sait, ne manquent pas d'abonder, sans parler d'une diplomatie tout à fait disposée à l'étranger à défendre à la manière d'un lobby officieux l'industrie minière canadienne. Donc, on voit que les conséquences sont sans suite quand on considère en plus que les diplomates canadiens au sein de la Banque mondiale militent fort pour que apparaissent à la manière de métastases des codes miniers ultra permissifs pour l'industrie minière dans les pays du Sud. Mm-hmm. C'est pas pour rien qu'ils se ressemblent beaucoup et le Canada se targue de participer à cette évolution. En plus, historiquement, le Canada n'a pas pu, à la fin du 19e siècle, annexer à son territoire les dépendances britanniques des Caraïbes. Cependant, il a obtenu le contrôle du secteur bancaire de ces îles et il a pu, le plus souvent, développer lui-même le secteur bancaire dans ces endroits qui sont devenus les paradis fiscaux les plus controversés de la planète. Là, on parle des Bahamas, par exemple, des Caïmans. Donc, ce sont des Canadiens qui ont créé des quartiers d'affaires, notamment des Canadiens des provinces maritimes, de Halifax, notamment. Ce qui explique que, jusque dans les années 1980, entre 60 et 90% du secteur bancaire des Caraïbes était occupé par des banques canadiennes qui ont fait leur fortune. Souvent, des banques comme la Scotia Bank ou la Royal Bank of Canada avaient des actifs plus importants dans cette région du monde qu'à Toronto, par exemple, parce que c'était des banques agissant surtout à l'origine dans l'est du pays. Ça c'est sans parler du métissage qu'il y a entre le Canada et ses juridictions de complaisance des Caraïbes. Le Canada, par exemple, partage son siège siège à la Banque mondiale et au FMI, avec un collectif de paradis fiscaux des Caraïbes, et pas des moindres, là, Saint-Kitts et Nevis et la Barbade et d'autres. Donc des endroits très controversés, souvent considérés par la Maison Blanche d'ailleurs comme des narco-États. Qu'on pourrait ajouter tout le problème là, du corridor fiscal entre le corridor d'amnistie fiscale entre la Barbade et le Canada qui permet le transfert de prix dans les entreprises, par exemple, ce qui permet à beaucoup de PME et de multinationales d'éviter de payer des impôts sur leurs profits puisqu'elles peuvent enregistrer leurs profits dans une filiale des paradis fiscaux et ensuite ramener ces capitaux-là au Canada sans qu'ils soient taxés à nouveau comme s'ils l'avaient été là-bas. C'est ce qu'on appelle un traité sur la double... contre la double imposition, là, qui est en fait un traité de... est un traité de double non-imposition. Un traité de double non-imposition. Ah, oui, parce qu'on évite de payer les impôts à deux places, oui. Faire comme si on avait payé déjà, on devait soulager une entreprise d'un règlement fiscal double. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment au niveau des astuces financières, si je comprends bien, là, pour permettre, dans le fond, que ces paradis fiscaux-là... Là, il doit avoir des sommes énormes. Oui. En fait, cet aspect-là est le plus connu. Ce sur quoi j'insisterai, cependant, c'est sur ceci que les paradis fiscaux influencent à peu près tous les secteurs de la vie sociale. Mm-hmm. On a parlé d'environnement aujourd'hui. On aurait pu aussi parler des zones qui permettent le démembrement des navires lorsqu'ils ne servent plus, qui sont des espèces de dépotoirs de navires, au Bangladesh, en Inde, en Turquie. Tout ça se fait dans des contextes d'un autre âge, là, de véritables bagnes où des ouvriers mains nues dépècent des navires qui sont bourrés de produits chimiques et toxiques. Donc, on a parlé des ports francs, on a parlé de la juridiction minière canadienne, ainsi de suite. On pourrait ensuite parler des narco-états, on pourrait parler ensuite des fonds à risque qui trouvent leur refuge dans des juridictions adaptées. On pourrait parler de nombreux secteurs d'activité qui soient liés à la finance, à l'industrie, au transport, et aux lois aussi, à la criminologie, et qui permettent en fait à des acteurs aujourd'hui de se soustraire des règles de droit dans nos démocraties. Ce qui fait que nos démocraties deviennent de plus en plus des théâtres d'ombre bons à impressionner la classe moyenne et à lui soutirer ses fonds quand vient le temps d'imposer les citoyens, sans pour autant que les puissants qui ont les moyens de s'affranchir de ces juridictions-là paient leur dû eux-mêmes et respectent les lois qui sont censées valoir pour tous. Ça, c'est ça le gros problème. Et c'est pour ça qu'actuellement, j'en suis à croire que la question des paradis fiscaux ne doit absolument pas être l'apanage d'un groupe particulier. Je pense que les environnementalistes, tout comme les recteurs, tout comme les maires, tout comme les responsables de PME, tout comme et ceux qui s'intéressent à l'économie locale, tout comme les étudiants, tout comme les chômeurs, les acteurs dans le domaine de la santé publique. La société civile, quoi. Oui, dans toutes ces composantes, tous ces membres-là doivent s'enquérir de la façon dont les paradis fiscaux pèsent sur leur secteur d'activité particulier. Que ce soit du point de vue du manque à gagner dans le trésor public, qui affecte donc les artistes, les étudiants, les médecins, les infirmières, tous ceux qui ont une fonction sociale importante à jouer et qui est plus ou moins liée au trésor public, quoi, donc à la capacité qu'a l'État de financer les services publics. Donc il y a ça d'une part, il y a donc cette nécessité aussi de penser les paradis fiscaux par rapport à leurs effets en matière politique, c'est-à-dire sur les normes, sur les règles, sur la portée des lois. Et ça, c'est un travail qui doit être fait. Les environnementalistes sont tout invités, ont toutes les raisons d'ajouter à la liste des préoccupations, malheureusement très longue, qui est la leur, question des ports francs et des juridictions de complaisance. Pour terminer, quelle mobilisation il pourrait avoir là, au niveau de la société civile ou différentes associations? Quelle mobilisation existe contre les paradis fiscaux? Il y a le Tax Justice Network qui existe en Angleterre, qui est un réseau international dont on verra bientôt apparaître une section québécoise, mm-hmm. et qui travaille à faire connaître le problème des paradis fiscaux. Il y a évidemment de longue date ATTAC, l'association qu'on représente dans cette émission, là, qui a longtemps travaillé donc sur ces enjeux, notamment par rapport à la question de la finance internationale, de l'économie réelle et de la fiscalité. Il y a par-delà ces groupes qui, comme je le disais, là, thématiquement s'intéressent à la question des paradis fiscaux, une nécessité actuellement, c'est plus un défi qu'une mm-hmm. réalité. Hein, de se mobiliser. Actuelle, là, de mm-hmm. développer secteur par secteur un discours qui soit adapté à la façon dont les paradis fiscaux et les juridictions de complaisance affectent telle ou telle activité. Les tenants de l'économie locale, les étudiants, les étudiantes, mm-hmm. les chômeurs ou les recteurs vont parler du problème, comme les environnementalistes vont parler du problème d'une manière spécifique, parce que l'anomie, c'est-à-dire le monde sans loi, le monde du laisser-faire qu'on organise dans les paradis fiscaux, où, je le rappelle, la moitié des flux financiers mondiaux transitent, là, la moitié mm-hmm. du stock mondial d'argent. Donc, c'est beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, c'est exactement. On a se préoccuper de ce qui advient de ces capitaux et de ces acteurs enregistrés dans ces ailleurs du laisser-faire, dans des secteurs spécifiques pour arriver à marquer des avancées dans l'histoire. Alors, j'invite les gens à venir se déplacer en grand nombre à la conférence qui aura lieu le 10 novembre prochain. Alors, conférence que vous allez animer, Monsieur Deneau. Oui. Alors, c'était très, très, très intéressant de vous avoir au téléphone, en tout cas en onde. Et je vous remercie, et toute l'équipe vous remercie énormément. Tout le plaisir pour moi. Alors, merci beaucoup. Allez, on se revoit mercredi prochain, assurément le 10 novembre, pour la conférence qui traitera, si vous êtes intéressé, en apprendre davantage sur les paradis fiscaux et son impact sur l'environnement. C'est organisé par les Amis de la Terre et ATTAC Québec et l'événement aura lieu à 19h15 au Centre Culture et Environnement Frédéric Bach au 870 Avenue Salaberry, salle Michel Jourdan. Alors on va devoir en rester là et nous allons passer une courte pause et ensuite on retrouve après la pause Monsieur Renaud Blais qui va venir nous parler d'altermondialisme. À tout de suite. Chaque vendredi, les soirées du Bleu ou Noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du Bleu ou Noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 88 529 3829. Le 12 novembre prochain, Première Ovation vous invite au Musée de la Civilisation pour une rencontre privilégiée avec Philippe Kerr, auteur des populaires séries La Trilogie berlinoise et Les Enfants de la Lampe Magique. En compagnie de Diane Martin de l'émission Retour sur le Monde à la radio de Radio-Canada, venez découvrir son parcours, ses inspirations et son œuvre. Pour assister à cette activité exclusive, téléphonez au 418 643 2158. Faites vite, le nombre de places est limité. Le 6 novembre, dans le cadre de l'événement Scène d'automne, ne manquez pas Tricot Machine de passage à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou. C'est dur de pas mentir quand t'as tout deviné, dur de garder le sourire quand l'avion pétiné, c'est dur de rester bout. Que tout se fond. Tombez une nouvelle fois sous le charme de Tricot Machine, alors qu'ils livreront avec naturelle ferveur et humilité leur plus récente création. J'avance en cri égard juste à côté de la traque. Je suis juste un peu à gauche, un peu nulle part. Artiste invité en ouverture, Laurence Illy. Billets 15$ en pré-vente, 20$ à la porte. Rendez-vous le 6 novembre au Cégep Limoilou. Une invitation des productions Limoilou en vrac et de coup de cœur francophone. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelli. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animé par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30, cultivez vos goûts. Vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission du Grain de Sable, comme je le disais. Alors, en deuxième partie d'émission, on est rejoint par M. Renaud Blais. Alors, il nous fait plaisir de recevoir. Il vient nous parler des 10 ans de l'Alter, en tout cas du mouvement Altermondialisme. Alors, le Forum social mondial fête leurs 10 ans cette année. Bonsoir, M. Blais. Bonsoir. Alors, vous vous présentez comme un militant généraliste, donc militant généraliste depuis 35 ans. Oui, j'ai milité dans différents groupes de tout genre, populaires, communautaires, syndicaux, oui. Comme étudiants, etc., etc. Et vous étiez très, quand il y a eu le sommet, vous avez donné beaucoup de conférences. Ouais, ben j'étais de l'équipe là, qui était disponible pour aller parler ou donner ce qu'on appelait la formation Mondialisation 101 dans les cégeps de la Pocatière, Rivière-du-Loup à Granby. Donc à travers la province. Ouais. Mm-hmm. Puis c'est ça, une cinquantaine de conférences. Puis depuis l'hiver 2009, vous avez participé à des séminaires. Donc. Ben, j'ai fait un séminaire à l'université qui, sur le thème de la démocratie participative. Puis mon travail de recherche ou ma contribution au séminaire a été d'investiguer comment, en fait, j'ai défini, d'un point de vue intellectuel, comme on le fait à l'université, qu'est-ce que c'est l'altermondialisme. Mm-hmm. C'est là que j'ai donné, j'en suis arrivé à 8 éléments que je vous présenterai un peu plus tard. Mm-hmm. Mais puis, à un moment donné aussi, quand on parle d'altermondialisme, pour ceux qui étaient, ben, qui ont plus que 20-25 ans aujourd'hui, qui étaient là au Sommet des Amériques, ou du moins l'année qui a précédé, où on avait préparé notre marche et tout ça, ben, tout le temps de la préparation, jusqu'à peu près un mois avant le sommet, on nous qualifiait d'anti-mondialisation. Mm-hmm. Puis le terme s'est imposé, altermondialisme ou altermondialiste, à peu près en même temps que le Sommet des Amériques. On ajuste ça en mars-avril 2001. Puis aujourd'hui, quand on fait des études sur le mouvement altermondialiste, on le fait remonter sa naissance à Seattle, 1999, le sommet de l'OMC qui avait chiré. Fait que ça donne, c'est pour ça qu'on qualifie ce qu'on prépare pour le printemps prochain, le 10 ans du sommet des Amériques. On dit 10 ans d'altermondialisme, autant 10 ans pour le sommet que 10 ans pour l'altermondialisme en général. Alors, où en sommes-nous rendus après 10 ans d'altermondialisme? Avec le temps, je pense qu'il faut dire que le sens à donner au troisième sommet des Amériques qui a eu lieu à Québec, on dit pas souvent que c'est mm-hmm. le troisième, parce que le premier avait lieu à Miami, le deuxième à Santiago, Chili. Et bon, c'est toute l'histoire. Si je peux faire une petite histoire courte, c'est qu'à un moment donné, Regan Mulroney, le sommet des Irlandais à Québec, en 1985, a comme lancé l'idée de tous les traités de libre-échange, d'abord Canada, États-Unis, qui ont abouti en 94. Et après ça, bon, ben, Bush père avait lancé l'idée de ce qu'il appelait l'initiative pour les Amériques. Donc, c'était l'idée de faire un traité de libre-échange à l'échelle de toutes les Amériques, qu'on a appelé zone de libre-échange des Amériques en français. Mm-hmm. Bon, mais là, ça a donné lieu au premier sommet des Amériques en 94. Qui était, bon, l'idée de Bush père, mais ça a été réalisé par Bill Clinton. Ça a été le premier sommet des Amériques. Ensuite, au Chili, en 98, a eu lieu le deuxième sommet des Amériques. Puis là, ce deuxième sommet des Amériques a donné lieu au premier sommet des peuples. Parce qu'on dit à Québec, il y a eu le troisième sommet des Amériques et le deuxième sommet des peuples. Lors du premier sommet des peuples au Chili, en 98, a été rendu public un texte qui est encore très valable aujourd'hui, qui s'appelait « Des alternatives pour les Amériques ». Puis, vous voyez, déjà l'idée des alternatives, ça veut dire on se place dans une autre perspective que celle de résister à un projet de libre-échange. Autrement dit, on veut promouvoir une autre façon de voir la mondialisation. Autrement dit, la mondialisation des solidarités, la mondialisation d'un point de vue plus social qu'économique. Okay. De là, l'idée d'alter-mondialisme. Mm-hmm. Autrement dit, les militants ne sont plus des résistants anti-mondialisation, mais promoteurs d'une mondialisation à l'échelle humaine, avec des valeurs sociales et bon. Différentes, en fait. Voilà. Okay. Puis donc, le sommet des peuples, c'est vraiment, c'est ça la différence. avec les autres, l'autre, le sommet des Amériques? Ben, c'est l'autre perspective. OK. Autrement dit, depuis le deuxième sommet des Amériques, qui a donné lieu au premier sommet des peuples, on a mis sur pied, ou du moins, on s'est entendu sur des textes globaux où on fait la promotion d'une autre mondialisation. De là, le terme qui s'est imposé d'altermondialisme. Alors, le concept, c'est plus le sens là, du mot de l'altermondialisme. Voilà. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle d'altermondialisme, je pense qu'il faut voir comme deux façons, deux réalisations. Comme on dit, pour quelqu'un qui s'interroge sur qu'est-ce que c'est l'altermondialisme, il y a comme deux façons de le voir. Comme on dit, on peut voir toutes les manifestations de résistance qui se font comme la dernière a lieu G8 et G20 à Toronto. Mm-hmm. Donc, c'est des manifestations de résistance. Puis, des gens qui se réunissent pour ces manifestations-là, on les qualifie, à juste titre, à mon avis, d'altermondialistes. Puis l'autre réalisation ou l'autre face visible des réunions altermondialistes, c'est les forums sociaux. Entre autres, les forums sociaux mondiaux, mais comme celui que j'étudie à Québec, le forum social qu'on appelait régional, mais bon, faut faire attention parce qu'un forum social régional, dans l'univers international, un forum social régional, c'est à l'échelle d'un continent. Ben nous, on a dit forum social régional, mais moi, je crois que c'est plus juste de l'appeler forum social local. Puis surtout que ça a été le premier petit forum social qui a été réalisé après le deuxième forum social mondial de janvier 2002, où le mot d'ordre a été lancé à ce moment-là d'organiser des petits forums sociaux à l'échelle qui correspond au désir des gens. Nous, on l'a fait à la région Québec, Chaudière-Appalaches, qui était 0312. Mais il s'en fait un au Lac-Saint-Jean, il y en a eu lieu à Sherbrooke, il y en a d'autres qui ont lieu. Finalement, on a pu organiser un forum social québécois à l'échelle du Québec. Il s'en fait à l'échelle des pays, des continents, puis aussi des forums sociaux thématiques. Forums sur l'éducation. On en a eu un récemment en Palestine sur la question palestinienne et l'éducation. Et on dit, en mai 2010, lors du deuxième forum social québécois, un invité du Conseil international du Forum social mondial nous disait qu'il y avait 25 forums sociaux de prévus pour 2010. Ah oui, seulement pour cette année-là. Wow. Puis ça, c'était en mai. Fait que ça veut pas dire que ça n'en est pas ajouté entre-temps, mais il faut dire que ça a pris de l'ampleur. Puis des gens se réunissent de plus en plus pour partager, mettre en commun, réseauter, on dit. Oui. C'est vraiment comme ça. Et ensuite, est-ce qu'au niveau de l'historique, aviez-vous... Bon, j'ai parlé un peu de l'historique des toute la négociation entourant le libre-échange. Maintenant, on peut dire ça, c'est la dynamique dans les Amériques. Okay. Il y a aussi une dynamique internationale. Certains se souviendront de l'opération Salami, qui a mis fin à, entre autres ici à Montréal, mais bon, ça s'est déroulé partout dans le monde, des manifestations de blocage, parce que l'accord de l'AMI, c'était vraiment catastrophique. Je ne peux pas embarquer sur le contenu, là, mais... Pour une autre chronique, peut-être? Oui, ça a été Montréal 98. J'ai parlé tantôt Seattle 1999. Comme dans les débuts. Naissance du mouvement altermondialiste. Puis là, il y a eu les forums sociaux depuis 2001. Avant qu'il y ait un forum social mondial, bon, il y avait eu une réunion, on appelait ça le Forum mondial des alternatives, qui avait été organisé à Paris en janvier 99. Ensuite, deux ans plus tard, ça a finalement abouti au premier Forum social mondial en 2001, Porto Alegre. Le deuxième en 2002. 2003, c'est toujours Porto Alegre. Après ça, il y a eu 2004 en Inde. 2005, ben là, il y avait un forum social qui s'est déroulé sur trois continents. Ensuite, ça a été... Ça, c'est pour les forums sociaux. Mais il y a toujours les manifestations de résistance qui continuent, comme on a connu à Toronto. Il y en a eu une succession là, dans dernières années. On les dénombre même plus aujourd'hui, là, tout le monde. Puis, on considère, par exemple, quand on a eu le sommet des Amériques. Le sommet des Amériques, oui. On considère, à Québec, on l'a réalisé quand on a tenu notre petit forum social en septembre 2002, ça avait été salutaire qu'on puisse tenir un événement aussi important dans la ville de Québec parce que ça nous a permis, du point de vue de la résistance et des constructeurs de l'autre mondialisation, ça a permis de mobiliser les gens. Puis là, c'était du concret. On avait une réunion dans notre ville qui se tenait. Puis bon, le fait qu'on réussisse à amener 60 000 personnes aussi, ça quand même. Brosse les... Je veux dire, c'est éloquent en soi, là, quand on marche autant de monde en ville. Maintenant, je ne sais pas ce que je pourrais élaborer davantage. Je ne sais pas si vous aviez, avant d'aller à la pause, ce que ça fait vraiment le tour au niveau de la dynamique internationale. L'idée qu'il faut retenir, c'est qu'il y a autant les manifestations de résistance que les manifestations des forums sociaux, c'est plus positif, où les gens travaillent ensemble, puis qu'on n'est pas dans une position ou une dynamique de confrontation. Puis, ça fait partie de la philosophie des forums sociaux. Parce que le Forum social mondial, ce que j'ai un peu oublié de dire tantôt, c'est que ça s'inscrit dans... C'est comme un contre-forum si on l'oppose à Davos, qui est le forum des riches où ils se réunissent à quelques centaines, quelques milliers, mais bon, où ils prétendent faire le monde, dominer le monde économique, planifier les développements, mais toujours dans leurs intérêts, surtout pas dans l'intérêt de la population. Donc l'existence des forums sociaux, c'est vraiment un peu pour contrebalancer... Ben, pas contrebalancer, mais... Faire opposition ou plutôt que d'organiser des contre-sommets à Davos en Suisse où ça serait très difficile de réunir les gens. Ben... Donc il y en a plusieurs. Il y en a un à chaque année. Maintenant, c'est plutôt aux deux ans. Le prochain est pour Dakar en février 2011. Ah, d'accord, on se prépare pour 2011. Voilà. Alors merci Renaud. On va devoir se quitter un tout petit instant pour une courte pause musicale. On se retrouve tout de suite après, toujours avec M. Renaud Blais, pour la suite de sa chronique Altermondialisme. D'entendre Pad Brapad. Et ouais, c'était du rap bulgare. Excellent choix musical. Merci Nicolas. Alors, vous êtes toujours sur CKRL avec l'émission Le Grain de Sable jusqu'à 18h30, suivi de 100% Dynamique avec Jean-Baptiste Duvigneau et Goulwendi. Alors, M. Renaud Blais est toujours avec nous pour sa chronique mensuelle consacrée à l'altermondialisme. Alors, je vous poserai la question suivante, M. Blais. Aujourd'hui, quel sens donne-t-on au sommet des Amériques? Ça a évolué, le sens, parce que on savait pas au moment de la tenue du sommet puis de notre marche que ce serait ce qu'on considère aujourd'hui comme le début de la fin de l'ASLEA. Parce qu'on a travaillé beaucoup sur à lutter contre l'ASLEA, mais on réalisait pas que c'était le début de la fin. Mais ça a été comme consacré, si on veut, au quatrième sommet des Amériques qui a eu lieu à Mar del Plata en 2005 en Argentine, où là, ça a été... comment on dit, à la face du monde, là, l'ASLEA était un échec, puis c'est pour ça que le sens à donner au sommet des Amériques a évolué avec le temps, puis aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'était le début de la fin de l'ASLEA. Mais la réjouissance est pas très heureuse, dans le sens que... Pourtant, bon, si vous dites la fin de l'Azléa, ouais, ça peut être heureux. Ouais, c'est que l'Azléa, c'est un traité de libre-échange pour les 34 pays des Amériques, sauf Cuba. Okay. Mais ce qu'on a fait, c'est que ce projet a échoué. Mais concrètement, les États-Unis ont renégocié, avec à peu près tous les pays des Amériques, un par un, des traités particuliers pour arriver à leur fin, qui était à peu près la même fin que l'Azléa. Okay. Fait que c'est pour ça que je dis la réjouissance est pas très heureuse, là. Oui, on a mis fin à l'Azléa, mais concrètement, ça donne à peu près la même chose aux États-Unis. Puis il faut comprendre que quand les États-Unis négocient un traité de libre-échange avec un seul pays, il n'y a pas d'équilibre. Là. Les pays peuvent le tordre, on va vous donner tant, on va vous couper tant. Les États-Unis investissent tellement d'argent à l'étranger, en aide militaire, en aide de tout genre, qui ont toujours le gros bout du bâton, puis les petits pays ont peu de choix quant à au traité qu'ils vont signer avec le grand frère américain. OK. Alors, moi, on a parlé tantôt de mon séminaire à l'université, mais bon, j'en suis dans le cadre de ce séminaire-là. J'ai dû, qui était mon thème, c'était la société civile altermondialiste, que j'ai donc dû définir. Mm-hmm. Je l'ai défini en huit éléments que je pourrais pas élaborer beaucoup aujourd'hui, mais bon, disons, c'est d'avoir une pure initiative citoyenne. Mm-hmm. La société altermondialiste, ça n'a pas été institutionnalisé avant, c'est maintenant, ce sont des citoyens qui se sont réunis, puis bon. L'autre, autrement dit, souvent on va dire l'ennemi à abattre, là, c'est le marché, le privé, le néolibéralisme et tout ça. C'est le deuxième élément. L'autre et le marché, mais l'autre est bien identifié quand même. C'est... Puis on a une utopie qui se formalise dans un autre monde est possible qu'on entend... Comme troisième définition. Ouais, c'est trois éléments, un troisième élément qui définit qu'est-ce que c'est la société civile altermondialiste. En plus, cette société civile altermondialiste est plus pluraliste que jamais. Autrement dit, il y a de tout pour tous dans ça. Là. Okay. On le voit quand on participe à un forum social national ici au Québec ou à l'étranger au niveau mondial, il y a vraiment de tout pour tous. Je me rappelle en 2002 où j'avais pris la programmation puis j'avais coché des activités intéressantes puis j'étais arrivé à 17 activités dans la même plage horaire qui pourraient m'intéresser. Ah oui? Fait que si vous voyez un peu, il y a vraiment de tout pour tous. Puis surtout que dans un forum social, on dit c'est l'initiative des gens de proposer des activités. C'est pas un groupe de gens organisateurs qui vont organiser tout le contenu. Il y a des grandes activités qui sont organisées par un comité organisateur, mais la plupart des ateliers de discussion et même des conférences sont organisées d'initiatives citoyennes ou de groupes qui offrent de tout s'organiser avec ça. Mais le comité organisateur, à ce moment-là, devient le support technique, trouver un local, s'organiser pour avoir l'équipement électronique nécessaire au PowerPoint, à la traduction, etc. Ensuite, c'est souvent dans une perspective locale, nationale, mais avec une vision planétaire. C'est un élément caractéristique de la société civile altermondialiste. On dit aussi qu'il y a des divisions idéologiques, mais une unité d'action. Autrement dit, les gens sont pas tous d'accord sur l'interprétation à donner de différents éléments, mais quand on monte une activité, on la fait ensemble, puis tout le monde y contribue. Ensuite, on a un rapport ambigu à l'État. Ah oui. À un moment donné, on réclame une intervention de l'État, puis à un autre moment donné, on dit, ben l'État, on les qualifie de vendus, dans le sens qu'ils vont, on prétend, à juste titre, je pense qu'on peut très bien comprendre au Québec et au Canada maintenant, que nos politiciens ont été choisis par les grandes entreprises, par ceux qui veulent libéraliser le commerce, et au détriment souvent des mesures sociales et des programmes sociaux. Et finalement, les altermondialistes ont une vision globale, mais ils sont souvent focusés sur une action locale pour entreprendre des actions de lutte ou de propositions alternatives. Alors, fait que c'est huit éléments, je pourrais élaborer davantage, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Malheureusement, Peut-être qu'éventuellement, lors d'une autre chronique, je pourrais élaborer davantage. Tout à fait, ce serait très, très, très intéressant. Est-ce que vous auriez aussi d'autres... en conclusion? Je pense qu'il faut redire que autour du 20 et 21 avril 2011, on aura des activités, une grande activité ou différentes activités qui sera la consécration des 10 ans d'altermondialisme qu'on prépare déjà. Déjà, bon. Alors, on a très hâte d'en entendre parler. Alors, on va rester en contact, j'en suis certaine. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Monsieur Blais. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier Jeanne Gutiérrez et Nicolas Montrand qui étaient à la mise en onde aujourd'hui. Également, merci à Monsieur Alain Deneau, donc qui nous a parlé de sa conférence pour mercredi prochain, le 10 novembre, qui aura lieu très bientôt. Donc, Monsieur Alain Deneau. Également, je veux remercier tout spécialement Monsieur Renaud Blais pour leurs interventions. Un merci également à Cédric Leterme qui assure la production de l'émission. De plus, l'équipe du Grain de Sable vous invite à assister à la conférence sur la question sur le thème des paradis fiscaux et de la protection de l'environnement. C'est présenté par M. Alain Deneau mercredi prochain le 10 novembre. C'est organisé par les Amis de la Terre et Attaque Québec. Cela aura lieu à 19h15 à l'Éco-Centre culturel Frédéric Bach sur l'avenue Salaberry. Nous vous rappelons que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL et également sur le site d'Attaque Québec. Donc, si vous n'avez pas pu syntoniser nos ondes ce soir à 17h30, alors vous pouvez le refaire en tout temps durant la semaine et également réécouter les anciennes émissions avec des thèmes toujours aussi passionnants. Alors, donc, n'hésitez pas à consulter les sites de CKRL et Attaque Québec pour trouver toutes les informations sur notre organisme et ses actions. Par ailleurs, je rappelle que nous sommes en campagne de recrutement. Si vous voulez être membre d'Attaque Québec, venez vous pouvez nous écrire au graindesable@hotmail.com ou consulter le site. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 17h30, pour une nouvelle édition du Grain de Sable, avec cette fois une édition spéciale consacrée aux résultats des élections législatives américaines. On recevra le co-président d'Attaque Québec, Robert Jasmin, qui n'est évidemment plus à présenter ici au Grain de Sable. Mon nom est Valérie Blouin et je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneau et Goudundi avec 100% Dynamite tout de suite après la pub, toujours sur CKRL, la radio qui cultive tes goûts. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la...